Et ce, dès 11h. Venez découvrir nos spéciaux sur la bière, notre nouveau décor et notre nouvelle section lounge. Idéal pour vos lancements, vos parties, vos soirées thématiques et de financement. L'après-cours, c'est aussi un DJ, une table de billard, de la nourriture bistrot et des prix compétitifs. Alors venez nous rencontrer tous les jours à l'après-cours au JM 100. C'est heureux, c'est joyeux, ça se passe dans l'ordre alphabétique parce que là, on a passé la pub, puis maintenant, on va mettre le thème. Puis P, ça vient avant T, ce qui fait qu'on respecte l'ordre alphabétique tel que sus mentionné. Et puis là, ben, vu que ça rime, on va partir le thème maintenant. Des fois, on a des invités, puis d'autres fois, on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marde en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy, il joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. C'est le même que ça marche. On va partir la trame sonore de fond d'aujourd'hui. Ça va être Radical Dreamers. Le jeu qu'on n'a jamais eu, mais qui n'est pas si bon que ça. Suite de Chrono Trigger. Ouais, non, en fait, c'est le prélude de Chrono Trigger. Ah ouais? Ouais, c'est pareil que c'est venu avant. Mais en tout cas, c'est comme un livre dont vous êtes le héros. Là. C'est vraiment un roman. Il n'y a aucune action. Là. Ouais, ça, rien d'excitant. Puis tu lis. Mais bon, la trame sonore a bien de l'allure. Sinon, ben moi, aujourd'hui, j'ai For Hire, Tueur Engagé, comme film douteux de la journée. J'ai une question. Ben vas-y. Tueur Engagé, ça veut-tu dire que c'est un tueur activiste? Non. Ça veut dire que quand tu l'appelles, il répond pas. Ah. Non. C'est engagé. Ça veut dire que tu lui donnes de l'argent puis il fait ce que tu veux. Oh. En fait, en gros, l'histoire de Tueur Engagé, c'est que le maire de Los Angeles a des problèmes avec le Chinatown. Fait qu'il engage un ninja. Yeah. On a Bruno qui va aller des nouvelles. Et puis toi Israël, tu vas parler de... Je vais parler d'affaires entre autres. Je vais parler de mon voyage à Québec. Oh, oui. Ben oui, c'est vrai, bonne journée, t'es allé à Québec. Et ça parle bizarre là-bas. Fait que, ben, qu'est-ce qu'on va mettre en commençant? Je pense qu'on va mettre After the Fire puis Dare Commissar là. Je l'ai dit tantôt, hein, moi je voulais la faire jouer aujourd'hui. Fait qu'on va écouter ça. On revient à 70% juste après. With the others in the subway singing, don't turn around, uh-oh, Cause all the children know they're all sliding down into the valley. They're all slipping on the same snow. Hear the children. Don't turn around. Uh-oh. The commissar's in town. Uh-oh. He's got the power and you're so weak. And your frustration will not let you speak. La la la. Don't turn around. Jojo, the commissar's in town. Don't turn around. Jojo, the commissar's in town. Don't turn around. Jojo, the commissar's in town. Ben, nous savons que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Malheureusement, votre vie active vous empêche souvent de prendre le temps de bien déjeuner. C'est pourquoi, chez Hervé, nous avons conçu un petit déjeuner à votre image. Le déjeuner transcontinental. Deux œufs avec bacon, saucisse et lardons, garnis d'une tranche de jambon, avec de la dinde et de la mayonnaise, des cretons au porc et au poulet avec du fromage et des fèves au lard. Un steak 12 onces cuit sur le grill sauce crémeuse, ainsi qu'une généreuse portion de frites. Le tout accompagné d'un verre de lait ou d'une root beer au choix. Le petit déjeuner transcontinental, seulement chez Hervé, parce que vous le valez bien. Ce soir en manchette, on parle de mariage, de science, d'animaux et d'autres patentes. Alors, l'armée britannique a lancé mercredi son nouveau satellite militaire dans l'espace, le Skynet 5. Oui, oui, j'ai bien dit Skynet. Ouh. Qui fait partie d'un système de 3,2 milliards de livres qui livrera une communication sécurisée à très large bande aux forces britanniques et alliées. Il est bon de savoir que les Skynet 1, 2, 3 et 4 sont déjà dans l'espace depuis un bout de temps, alors que toutes les Sarah Connor de ce bas monde se le tiennent pour dit. Bien dit. Ensuite, Larry Page, cofondateur de Google et le célibataire le plus riche au monde, a annoncé qu'il se marierait le mois prochain. Alors, qu'est-ce qu'on offre comme cadeau de mariage à quelqu'un qui a tout? Ben, quelque chose dont il n'a pas besoin. Moi, personnellement, j'ai l'intention de lui envoyer un certificat cadeau chez IKEA. En parlant de mariage, monsieur P. Selvakumar, un fermier de Tamil Nadu en Inde, qui était tombé malade après avoir lapidé des chiens à mort, a décidé de se repentir en mariant une chienne. Et oui, après une cérémonie en règle, une réception comptant 200 invités a été tenue au domicile du marié, durant laquelle Selvi, la mariée, est devenue agitée et s'est sauvée. Elle a toutefois été recapturée et ramenée à son mari, qui lui a offert du lait et un bout de pain à manger. C'est les vraies valeurs, ici à 70%. Wow. Surfer sur la pertinence. Hey, pendant ce temps-là, moi, j'aimerais rappeler que, en fait, on a eu plusieurs coups de commentaires, de téléphone, de email à propos la très belle chanson triste de la semaine passée. Soyez sans crainte, la superstar de la vampirisation de la souffrance des autres sera de retour bientôt pour une autre intervention tristounette, bien sûr, Damien qui a décommandé ce soir. Sinon, ben, en attendant son retour, vous pouvez envoyer vos dons à Choc FM 279 Sainte-Catherine-Est à l'endroit de l'équipe 70% qui va faire bien sûr que cet argent serve à ne pas riser des enfants pauvres. Voilà, ouais. Merci. Sinon, ben, très des nouvelles. Moi aussi, j'en ai amené une assez popée cette semaine. C'est Simon Pierre, là, l'ancien collaborateur à l'émission. Oui. Lui, il tripe pas mal Trunk 25, le groupe duquel Israël nous a si amoureusement chanté un texte la semaine passée, ou en fait narré un texte. Oui. Ben, c'est ça. Dans la bactérie, c'est difficile, a maintenant un traitement plutôt particulier qui implique une transplantation de matière fécale humaine d'une personne à une autre. Ça permet de guérir un grand nombre de cas d'infection aussi difficiles. Et puis c'est une technique qui n'est utilisée que par quelques médecins au Canada. Le Clostridium difficile est une espèce de bactérie qui se développe dans une flore intestinale affaiblie par les traitements aux antibiotiques. Répandue dans les hôpitaux, cette bactérie a déjà causé la mort de plus de 2000 personnes depuis 2003 dans les milieux hospitaliers québécois et a également tué dans d'autres provinces. Hein, ouais. Je suis sûr qu'elle sortait de nos provinces. Ouais. En tout cas, habituellement, le C. difficile est contrôlé par les bonnes bactéries qui se trouvent dans les intestins. Toutefois, il peut devenir problématique lorsqu'un individu est traité à l'aide d'antibiotiques comme le vancomycine. Les antibiotiques peuvent détruire les bonnes bactéries et laisser des traces du C. difficile qui se développent ensuite. Puis là, ben après ça, tu peux poigner une espèce de grosse diarrhée qui peut devenir chronique et entraîner la mort. c'est plate, là, mais je veux dire, c'est... En tout cas, là, ben c'est ça, là, ce qui est plus drôle, c'est la phrase ici, ça sera pas long. Là, il parle de Madame Monroe qui a guéri de tout ça. Il y a 38 personnes qui ont été sauvées jusqu'à présent par le procédé de transplantation fécale. Les donneurs habituellement de proches parents doivent fournir des excréments pendant plusieurs jours. Après des tests du VIH et d'hépatite, le médecin les mélange avec une solution saline, puis les introduit dans l'intestin de la personne atteinte. Par la bouche? Je sais pas. Je sais pas. Le médecin affirme que la technique permet aux bonnes bactéries de se réimplanter et de restaurer les fonctions intestinales normales. Madame Marcia Monroe de Toronto dit que c'est ce qui l'a guéri. Ça faisait 14 mois qu'elle était aux prises avec le C. difficile, et puis le don fécal de sa sœur lui a permis de passer au travers de la maladie. Donc, la patiente accepte aujourd'hui de parler de sa guérison, bien que cette technique puisse rebuter certains médecins. Elle affirme avoir été sauvée, espère que les médecins seront plus nombreux à procéder à l'intervention par transplantation de matière fécale. Donc, c'était ma nouvelle aujourd'hui. Je pense qu'on va aller écouter une petite niaiserie. Hein. Ça va faire du bien avant d'écouter le premier bout de Tueur engagé. Ouais. Ça va être quoi? Ça va être adresse ça pour faire plaisir à Israël. Là. Il va être content. Voyons, elle est où? Elle est là. Ça. Ah oui. Oh, oui. Parlez vous francaise? Non? Then you need the all-new International Log! Just tug its twig and you'll turn your log into a talking tree, fluent in 5 foreign tongues! There's French! Allez, viens, mon coco! German! Rushbedeutsch, strudel! Espanol! Las cucarachas entran, pero no pueden salir. Spanish! I am a bearded lady. And of course, New Yorkese! Hey! Can't you see I'm walking here? Yes, log! All nations love log! So hurry now to your local store and be the first in your country to have the International Log! What rolls downstairs, a motor and pairs, rolls over your neighbor's dog. What's great for a snack, it fits on your back, it's log, log, log. It's log, log, it's big, it's heavy, it's wood. It's log, log, it's better than bad, it's good. Tout le monde aime le log. Yeah, it's really fun. I got your log right here. Everyone needs a log. Everyone wants a log. Log, love and log. Yes, sir, I like it. Donc, Tueur engagé, c'est un film qui met en vedette David Evener. David Evener, c'est un acteur de la Louisiane qui est né en 1958. C'est non seulement un champion de karaté, mais aussi un adepte de country chrétien. C'est quelqu'un qui a composé des albums et fait la soundtrack de la majorité de ses films. Le film, a été réalisé par Stéphane Rudnicki. J'ai fait une petite recherche sur lui pour me rendre compte qu'il avait réalisé deux films, c'est-à-dire For Hire, Tueur engagé, le film qui nous intéresse, en 1991. Et puis ensuite, Extra Sexual Perception, en 1998. ESP. Qui est l'histoire d'un espèce de photographe qui voit les fantasmes sexuels de ses modèles dans sa lentille. C'est un film de foun? Ouais, semi-série B amateur là, qui a pas vraiment rapport. Là. Donc, je vais lire un petit peu ce que j'ai écrit sur la chose. For Hire, Tueur engagé, 1991. On a Bambi Swayze là-dedans. Je pense pas que ce soit la sœur des autres. Chance Michael Corbett. Il y a quelqu'un qui s'appelle Michael Corbett et David Evener. Sorti en 1991, ce film fut loué par nous, moi et mes frères et mes potes de Val-d'Or, avant même que notre passion pour la chose questionnable ne se manifeste concrètement. À cette époque déjà, on avait bien ri devant l'inanition des figurants, les mauvais raccords de son, les gens qui sortent du champ de la caméra et autres enneries de ce genre. Avant de commencer, je crois utile de mentionner que ce film n'est pas aussi flamboyant que mes autres douteux que je vous ai amenés ou que vous avez pu croiser dans votre vie. C'est plutôt une ambiance de téléroman d'après-midi, mélangée avec des ninjas et des deals de drogue. Bien que le psychologique et les dialogues soient au centre du doutisme qui nous est ici proposé, vous ne regretterez pas d'offrir votre attention au bruitage de bras de Sony, aux ninjas cachés hors du champ de la caméra, aux truands qui font du tai chi et autres viscosités impossibles. En tout et pour tout, on peut facilement prétendre faire face à un -7-8. Que la souffrance commence, on est ici dans la maison du monsieur le maire de Los Angeles. Parce que, ouais, en gros, l'histoire, c'est qu'il y a des problèmes dans le Chinatown, fait que le maire engage un ninja. Ouais, ça rapporte. C'est, on sent que c'est logique, c'est drette la façon de procéder. Bravo, monsieur le maire. Donc, on va aller ici écouter une séquence dans la petite fête au début, là, en tout cas, l'introduction des personnages. Evener est impliqué. Merci pour tout. À quoi est-ce qu'il joue? Mais qu'est-ce que tu fais ici? David Evener est infiltré, là. Qu'est-ce que tu fais ici déguisé en serveur? Tu ne m'as pas dit que tu viendrais? Ça va chauffer ici. Dis-moi, c'est une mission dangereuse. Ça rime à quoi, déguisement? J'essaie simplement de m'infiltrer discrètement, mais maintenant que tu m'as vu, ça va être difficile. Tu avais promis de m'emmener avec toi. Je t'ai rien promis du tout. Alors fiche-moi la paix. Tout ce que je peux te dire, c'est que Chinatown est un œuf pourri. Et quand il va casser, je veux être là pour voir les dégâts. Là, on voit les méchants qui font des affaires méchantes pendant qu'en parallèle, on est à la fête du maire. Il n'y a pas de repos pour les gens de loi. Oh. On va retourner à la discussion insipide, ce sera pas long, là. Et voilà. Tu veux m'aider? Alors garde un œil sur ton père. Parce que si l'œuf pourri casse, il risque de recevoir des éclaboussures. Son père, c'est la mère. Je ne comprends rien. Pourquoi t'es si mystérieux? Oh, quelle tenue, enfin, pour cette fois, ça passe, mais faites attention, d'accord? Ben oui. Oui, merci beaucoup, monsieur. Ils sont en train de jouer les subtils. Là, ce qu'on va rencontrer, c'est un des trois autres personnages par là-dessus. J'étais justement en train de lui dire que... Enfin, j'étais justement en train de lui dire... Ne vous aidez pas la peine d'inventer n'importe quoi, Will. Quant à vous, je ne sais pas ce qu'on a raconté sur moi en cuisine, mais sachez que c'est en dessous de la vérité. Alors, est-ce que vous retournez au travail ou avez-vous fini votre service? Non, monsieur, je n'ai pas encore fini mon service. Alors, retournez-y. Je vous verrai plus tard. Il faut que je vous parle. Oui, monsieur, quand vous voudrez. Oh, Saint-Elme est choqué. Saint-Elme, en fait, c'est le nom du garde du corps du maire. C'est un des personnages. Est-ce que je peux venir au dojo après? Oui, bien sûr. Eh oui, bien sûr. Là, on comprend que, dans le fond, Will, qui est le fils du maire, a pour maître J.D. Mackey, qui est le gars qui va devenir un ninja plus tard, en attendant de se faire engager, parce que là, il est encore à être engagé. Il n'a pas encore été engagé par le maire. Ouais. En attendant, bien sûr, dans le Chinatown, ça continue à aller mal. Et puis, c'est la fête de la fille de la mère, de la fille du maire, en fait. Puis là, on va retourner à la fête pour comprendre un petit peu les personnages. C'est une simple histoire d'amour. Vous allez voir, c'est beau sa vision. Je voudrais remercier tous les amis qui nous ont aidés à préparer cette soirée pour Corinne. C'est déjà beaucoup, mais je pense que qu'il ne faudrait pour autant oublier les autres membres de cette famille. Ben Déborah, oui. Mandy, où est Will? Où il est? Je suis là. Ils font tous notre joie et notre bonheur quotidien. Nous les aimons de toutes nos forces parce qu'ils sont adoptés et qu'ils le savent. Personne ne choisit de le faire ou de ne pas le faire. C'est et les liens du sang, direz-vous? Pour certaines personnes, les liens du sang sont primordiaux. Mais ma femme et moi, nous croyons que si vous choisissez votre famille, votre attachement pour elle est plus grand et que nous formons un noyau plus solide. Et je promets à tous ceux qui veulent s'engager dans cette voie et à ceux qui ont déjà ces dernières années adopté un enfant que nous ferons tout ce que l'on peut pour les aider. Tu prépares déjà ta campagne, Hugues? Et voilà. C'est bien gentil tout ça, mais nous sommes vraiment obligés de supporter ceux qui traînent dans les rues. Écoutez, écoutez, je n'ai pas fait de campagne lorsque j'ai été élu. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai promis à ma femme de ne pas parler politique. Tout ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est merci. Et c'est voilà, c'est tellement juste beau. Hein? Ce qu'on comprend dans le fond, c'est que la problématique tourne autour du fait que le maire a des problèmes dans le Chinatown. Là, il manque encore pas mal de ninjas, mais ça va arriver assez vite. On va aller un petit peu plus tard dans le film. En fait, là, ça va être l'histoire de... On va comprendre le problème que le maire a avec son chef de la police, qui est quelqu'un qui ne s'en laisse pas imposer. On a un petit extrait d'à peu près 3 minutes, là. Vous allez voir que le chef de police, c'est quelqu'un qui ne s'en laisse pas imposer. Il va aller parler à monsieur le maire pendant la fête de sa fille. C'est vraiment tragique. Rien de moi. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à bitcher, hein, les gars. Vous le savez. Ouais, ben... C'est passionnant, à date. C'est comme pas propice à... Les filles à Chinatown ont été molestées. Oh. Un des deux flics a été salement amoché. Et c'était un bon gars. Un flic de rien. Je connais bien sa famille. Je l'avais pistonné pour l'académie. Mais ils l'ont tué. T'attends. Alors je vais aller là-bas. Je vais me les farcir, ces citrons. Et s'ils se plantent, je les trouverai. Calmez-vous. Je ne veux pas de vagues. Vous risquez de compromettre le cours de l'enquête officielle. Comment comptez-vous opérer pour l'enquête officielle? Je n'ai pas un seul flic qui accepterait d'aller enquêter à Chinatown. Chinatown? Chinatown, ouais. Tous l'ont habillé. Et les autres hommes? Mais maintenant, s'ils se font tous buter... Toi, je vais te tailler un nouveau costard. Hein? Ouais, c'est qu'en parallèle, on a des séquences tirées du Chinatown de quand le policier se fait tuer, là. C'est comme parallèle, loin de flashback, vous mettre à dos toute, ouais, la communauté chinoise. Et je ne compte pas les Japonais, les Coréens et les Orientaux qui forment un électorat. Quel électorat? Il n'y a rien d'autre qui compte pour vous. C'est à cause des électeurs aussi que je n'ai pas de budget, pas de recrues, sans parler de l'équipement. La police n'a aucune aide. Est-ce que vous vous imaginez que je vais rester à attendre les bras croisés qu'ils nous exterminent? Attendre qu'ils massacrent encore beaucoup d'autres flics, que je vais permettre qu'on les taille en pièces? Vous me parlez d'enquête, mais vous savez que nous ne savons absolument rien et que ce ne sont pas vos toutous du district à tourner qui en sauront plus que nous. Je vous en fiche mon billet. Ce ne sont plus des petites histoires d'import-export. Je vous parle de trafic de drogue. Et c'est le département dont je suis responsable qui est habilité à enquêter juridiquement. Mais si vous avez peur de vous mouiller, je vous conseille de rester assis sur votre chaise et de ne pas bouger une oreille. Parce que vous avez peur. Vous avez peur de perdre un seul bulletin de vote. Vous êtes pire qu'une charogne. Alors je vous conseille de faire le nécessaire. Ou j'irai moi-même régler leur compte à ces petits salopards, compris? Autre chose, n'oubliez pas que c'est grâce à nous que vous êtes là, assis dans ce bureau sur votre cul. Même si vous étiez gouverneur, ou n'importe quoi d'autre, nous sommes là, vous comprenez? Je comprends ta colère, Mac. Que dirais-tu de laisser les invités s'amuser ensemble? Nous pourrions en parler dans mon bureau. Nous en parlerons, faites-moi confiance, et pas plus tard que demain, mais à la première heure et dans mon bureau. Ça vous ne fera pas de mal. Je suis fatigué, malade de jouer les lèches-culs depuis que vous croyez que c'est vous le responsable de la ville. Ben, c'est le maire. Ah, il a-tu dit, hein? Ouais, c'est ça. J'aime quand il dit c'est à cause des électeurs que la police n'a plus d'argent. Je sais pas. Peut-être c'est le contrat. Ouais. Peut-être. Fait que, bon, on va aller écouter une toune pour rester dans le mood. Puis on va revenir après, puis tu vas nous lire des nouvelles. OK. Bon, c'est parfait, ouais. Ça. La toune, ça s'appelle Highway to Hell. C'est Hayside Dixie qui ont repris une toune AC/DC. Ouais, c'est pas mal bon, ça. Ouais. Les living free, season ticket on a one-way ride, asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Don't need reasons, don't need rhyme, there ain't nothing that I'd rather do. Going down, it's party time, and my friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell, the highway to hell, the highway to hell, the highway to hell. No stop signs, speed limits, nobody gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it, nobody gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues, playing in this bluegrass band. Hey mama, look at me, I'm on my way to the promised land. Yeehaw, on the highway to hell, the highway to hell, the highway to hell, the highway to hell. Don't stop me. Votre mission consistera à anéantir et à localiser, vous et vos quatre hommes, ce qui n'est pas une mince affaire, le quartier général nazi d'où partent les ordres d'offensive contre l'armée de libération yougoslave. J'étais ce qu'on appelle un grand naïf à l'époque. Il y a même un type qui a tenté de me prendre un pont. Général, vous ne voulez donc pas comprendre ? Il y a 35 ans, ces créatures ont essayé de s'emparer du monde. Elles furent impitoyables et ne montrèrent aucune pitié. Amenez-moi mon ninja noir ou je fais un malheur! Ouais. Alors, on continue en nouvelles. La compagnie Jones Soda, une entreprise indépendante de boissons gazeuses excentriques, a mis en bouteille ses nouvelles saveurs pour le temps des fêtes. Le Christmas Pack contiendra des saveurs telles que sapin de Noël, lait de poule et jambon de Noël. Le Hanukkah Pack, quant à lui, offrira le beignet à la gelée, la sauce aux pommes et le latkes. La compagnie a assuré que le tout serait cachère, même le jambon. On se rappellera que le dernier pack de la compagnie, le Thanksgiving Pack, offrait des saveurs telles que pois verts, pommes de terre et dinde aux sauces au jus et antiacides. Ensuite de ça, un autre développement dans la saga du célèbre tableau La dernière scène de Léonard de Vinci. Un musicien a découvert un hymne solennel dans la peinture. Les apôtres représentés en groupe de trois lui ont donné l'idée que la pièce devait être jouée en 3-4, mais ce sont les mains, toujours en relation avec le pain sur la table, qui lui ont donné la mélodie. Il a attribué des notes à chaque main et à chaque bout de pain et a dessiné une portée entre la nappe et la face de notre sauveur. Semble-t-il que ça sonne comme un requiem. Ben voyons donc. Mets ça dans ta pipe, Dan Brown. Hey, n'importe quoi. C'est ça, le musicien, il a trouvé ça. Toi, Israël, t'es-tu déjà inspiré d'un tableau pour composer une chanson? Non. Ça serait peut-être pas la dernière scène non plus que t'aurais pris. Ouais, mais mon ami Benoît, il a composé des paroles pour une chanson qu'on fera pas. Ah. Puis ça serait belle sur un tu serais belle sur un tableau à numéro. Pourquoi vous la ferez pas? Je sais pas, là, ça m'a... Tu l'as remis à sa place en onde, mon gars? Ouais, c'est ça. S'il avait été ouais, là. Ben, vous la ferez pas. On la fera pas, Benoît, là, bon. Qui t'a compris. au fait, ouais, je vais raconter mon voyage à Québec, parce que c'est comme ça. Ouais, je pense qu'on est rendu là. On est rendu là. J'ai été à Québec avec mon charmant groupe Bonne Journée, puis on a fait la route, puis c'est-tu pas assez plate, ça, la route? En tout cas, c'est moi, plat. C'est plate, là. C'est on est passé devant le Madrid, ben j'ai pas pu m'y arrêter. parce que je t'aurais acheté les fameux DVD de... Les 10 saisons, là, la vie de Normal Amour en 10 DVD. Ouais, c'est ça. Il joue le rôle de sa monde, mère. Fait que, donc ça, là, on est arrivé à Québec, puis à Québec, c'est bizarre, là. C'était la deuxième fois que j'y allais, puis c'est bizarre. Le monde sont bizarres, c'est ça. Il y a comme des gothiques, puis des hippies, puis ça se tient de les corniches de vieux bâtiments, puis ça parle vraiment bizarre. Ouais. C'est vraiment... Je vais vous dire les mots qui vont le plus marquer dans le langage québécois, si on peut le dire ainsi. C'est poteau, baleine, labus, un frit. On m'a mangé un bon frit. Ouais, je vais aller chez Ashton manger un frit. J'ai pris la bus. J'ai pris la bus. J'ai pris la bus pour aller dans la vieille capitale. La autobus. Ouais, c'est ça. Tu sais que le monde s'en va, hein? Ouais, c'est comme quand tu dis une autobus, tu sais, c'est pas très... Non. C'est un, hein? C'est toujours masculin. Sûrement. Ouais, oui, c'est ça. Un bus, ouais. Non, je te l'affirmais, je te posais pas une question. C'est ça, c'était pas une question. Non, non. Puis à part ça, Il y avait 10 personnes au show, c'était de la merde. Puis on a été faire le party chez une fille après, c'était bizarre. Puis mes amis m'ont pas réveillé. Ben, en fait, ils ont essayé de me réveiller, puis j'ai fait comme va du pouce parce que j'étais ben sous, puis ils m'ont pas ramené. J'étais comme t'ont laissé à Québec. Puis là, j'étais pogné à Québec avec du monde qui parle bizarre. Au moins, ils parlaient français. Ouais. Tu dis Poutine, ils savent de quoi tu parlais. Ouais, c'est tu ça. Tu parles des Canadiens aussi. Fait que j'ai perdu plein d'argent à Québec, là, c'est pour vous dire. Fait que Québec, j'aime moyen ça jusqu'à la prochaine fois. Et voilà, hein, toujours. Parce qu'on prêt. Peut toujours changer d'idée. Bien dit. Bien dit. Moi, j'ai bien habité dit. Là 3 ans, j'aime pas ça. Ah, il l'a dit. Et voilà, Bruno vient de se positionner. Tu viens de où, toi, Bruno? Moi, je viens de Trois-Rivières. Ah, boy, ouais. C'est comme à mi-chemin entre les deux endroits. Ouais, comme Pierre Lambert. Exactement comme Pierre Lambert. Exactement comme la Pierre même Lambert. Affaire. C'est pareil. Tu te regardes dans le miroir, c'est lui que tu vois. Ah ouais, tout le temps. Hey, ben moi, avant de faire ma petite chronique, je pense qu'on va aller écouter une toune qui fait un petit peu dur. Quoique. Moi, j'avais Joël Denis au restaurant chez Rito. Ben non, texte le corps avec une insolence d'un téléphone. Parce que ça a très mal vieilli, là. C'est pas facile à écouter. J'en mettrai pas plus qu'une seule fois des insolences d'un téléphone. Vu qu'on a pas un show garni trop aujourd'hui, c'est peut-être le temps. C'est ouais. Un soir okay. Que ça se passe. C'est plate. J'ai pas encore été capable de la finir. On va faire ça ensemble. Je vous aime. Allez-vous-en pas. On revient à 70% après les insolences d'un téléphone de texte. Ça va être drôle. Ça va être grand. Un enquêteur vitrant recherche le coupable de vol de tête d'oreiller et de drap dans un hôpital. Une innocente se fait accuser. Si vous mettez l'enquête chez nous, vous viendrez. Vous allez voir que... Les affaires qui sont là, notre affaire. Moi, ce que je voudrais établir en ce moment, puis je pense que j'ai droit de perquisition dans un certain sens, c'est au sujet justement d'une pancarte. Ben là, si vous voulez faire un truc de perquisition, là, vous y allez avec les gros mots, là, on ne sait même pas. Madame, laissez-moi parler un instant. Voyons donc. Faites pas votre innocence, là, que... Je veux dire, on a... Ben, soyez moins... Ben, je vous excuse, monsieur, je ne veux pas vous parler. Même, vous employez d'autres mots. Viens me parler. Allô? Oui. Bon. Ben, mais qu'on soit calme, on se rappellera. Mais madame, je suis très calme en ce moment, là. Permettez-moi de vous dire que probablement, on va porter des accusations contre vous. Ah, c'est drôle. Au nom du syndicat. Au nom du syndicat. Allô? Oui, je suis là, j'écoute. Pensez-tu qu'il va lui demander de mettre un œuf dans son micro-ondes après? Pas là. Ils font ça. Ouais, c'est drôle, ça l'explose, ça brise le micro-ondes. Justement, c'est probablement ça, parce qu'il y a du vol qui a été fait à la buanderie aussi. Je faut que tu partes le micro-ondes, là. Ouais, bah oui, on s'en doute. Il y a des voleurs, je veux dire, si vous êtes accusé de vol, c'est probablement ça qu'on vous accuse d'ailleurs. Ben écoutez, monsieur, là, vous n'allez pas avec le bout de la cuillère. Est-ce que vous avez mon nom, puis vous n'avez même pas la bonne personne. Est-ce que, madame, est-ce que vous avez pu, disons, dans le passé, discrètement ou distraitement subtiliser les têtes d'oreiller ou les dents de lit? Pas du tout, monsieur, pas du tout. Jamais. Je suis partie en logement, là, ça fait 2 ans, puis j'ai tout eu mes articles ménagés par mes parents. Laissez-moi vous interposer, peut-être que c'est une maudite bonne raison, justement, pour subtiliser des têtes d'oreiller ou des draps quand on aménage à une nouvelle maison. Oui, oui. J'ai pas peur de le dire. C'est tout maman. Il y a un bon sens de la répartie. Ben, incroyable. Vous avez pas peur de le dire que vous avez Il nous reste encore une bonne minute. C'est écossais, j'ai dit, monsieur, hey, là, là, vous me trouvez, vous me prenez les premières heures, monsieur. Il y a plein de soleil dans vos maisons. Vous pouvez dire, madame, vous l'avez pris. Je vous ai dit que ma mère m'a acheté mon trousseau. Voulez-vous que j'ouvre les oreilles, là? C'est bien pris, là. Moi, je suis pas ici pour essayer de... J'espère qu'il va le dire à la fin, c'est texte d'accord. Bon, c'est là qu'on va être le plus content. Ça va être drôle. Je le prends plus. Oui. Je le prends plus. Moi non plus, monsieur, je le prends pas à me faire accuser pour une voleuse quand j'ai jamais volé 500. Mais écoutez-moi, madame. J'ai acheté une pièce de 49 chez Maxime des têtes d'oreiller. Il va pas aller voler ça. Chez Maxime? Il n'a rien pris dans cet hôpital-là, monsieur. Ça se peut pas. Je comprends pas pourquoi. Oui, en plus. Madame, on vous accuse pas. On veut juste se faire éclaircir sur des... On dit pas des vols, des emprunts de têtes d'oreiller. Je sais que vous allez les ramener. C'est-tu une autre qu'on me fait? Parce que je connais beaucoup de gens, hein? Qui me font. On y est pas. C'est-tu une autre qu'on me fait? C'est texte de corps pour les insolents. Pas vrai! Oh! Oh! Oh! Oh! C'est bon! Ah, ça, c'est bon, ça! Mais tadam! La la la! On rit, là! Ici Guy Nantel, la sympathique équipe de 70% est présentement en vacances. Alors, vous écoutez l'équipe B de 70% à choc! FM, UCAM, All right. Un instrument de la perfection et de l'hygiène. Encore deux petits extraits. Je suis l'ennemi de la décadence et de la corruption. L'ennemi. Je suis dentiste. Fait qu'on va écouter ça, après on va retourner dans Tueur engagé pour quelques séquences. Je savais pas trop ce qui m'attendait. Quand je suis sorti cette vieille journée, Catherine, je sentais que l'état de genre me haïssait. Mais je savais pas. Comment il fallait prendre ça, alors? Je crois que dans le doute, je vous ai haï aussi. Я думаю, что я не любил их тоже. Ok, ça va dans Tueur engagé. On est rendu au moment où le maire décide d'engager un ninja. Vous allez voir, ça va parler des vraies valeurs. Le maire est J.D. McKay, le ninja. Je tombe de haut, je croyais connaître les règles à fond, mais je crois que les choses ont changé. On ne peut plus emprunter les voies normales. Il faut prendre des chemins détournés, ça n'a plus de sens. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Eh bien, que vous le vouliez ou non, je vais avoir recours au service d'un maître ninja. Oui, je sais que ça peut paraître dingue, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée idiote. Oh, alors? Oui, alors? Pourquoi pas? Mais enfin, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? J.D. McKay, monsieur. Je suis alloué. Vous? Très juste, monsieur. Considérant que la situation devait être extrêmement urgente, j'ai décidé d'avancer notre rendez-vous. Une petite démonstration? Une apparence magique? J'ai eu des difficultés à vous convaincre de faire appel à moi. Nous nous sommes déjà rencontrés deux fois. Et où ça? Chez vous. L'autre soir. Je vous ai servi un verre de vin. J'ai eu affaire à votre chef de la sécurité, rien de très sérieux, mais ça pourrait l'être. Nous n'avons pas encore eu le temps de tous nous présenter. Je vous présente Saint-Elme, un très bon ami. Et oui, il est le chef de la sécurité, mais bon, il n'est pas très efficace. Si vous avez réussi à pénétrer chez moi par deux fois en déjouant sa vigilance... Saint-Elme, voici... J.D. McKay. J.D. McKay, le ninja. Je crois que tu es une espèce de prophète. Pourquoi? Parce que l'autre nuit, tu as prédit que nous nous reverrions. Vous vous rappelez, hein, il avait dit on va se revoir. Qu'êtes-vous venu faire ici? Le dernier extrait. Monsieur McKay est ici, ah, à ma demande. Oui, nous avions rendez-vous au bureau. Il est ici pour essayer de remonter seul une situation catastrophique sur laquelle même la police de Los Angeles s'est cassée les dents. Tatam, ça nous prend les dents. Si la police de Los Angeles s'est cassée les dents... Ça prend le ninja. Demandez donc à votre fils. Je le sens vraiment. Vous vous connaissez? L'ambiance télérama d'après-midi. Ouais, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas souvent de trame sonore en background quand le monde parle, des longs dialogues, très peu donc, de mise en scène. Si je comprends bien, vous êtes ce qu'il appelle son maître. Doucement, papa. En fait, ça me fait penser quand j'étais jeune, je puis jouais genre au ninja avec mes amis, puis qu'on inventait des dialogues. C'est ça, un instant. Bien, monsieur. Ça ressemble un petit peu à ça. Est-ce que vous désirez un rafraîchissement? Nous avons de la limonade, peut-être. Je vais vous préparer quelque ça, chose. Ça, c'est ma cousine qui vient d'arriver parce qu'elle voulait voir les autres. Je n'ai jamais parlé de lui. J'ai essayé, mais personne ne m'écoute. C'est super. Je trouve que ma fille vous sourit beaucoup, Monsieur McKay. Déjà, il y a l'histoire d'amour, vous avez compris. Sa fille lui sourit beaucoup. On va te voir, c'est tout le temps. J'ai beaucoup de respect. Non, pas à elle. Mais vous êtes conscient que, mettons, si le héros tombe amoureux d'une fille, c'est quoi qui arrive à cette fille-là? Elle va mourir. Ben non. Elle va se faire kidnapper. Ah, ben oui. Ben oui, des fois elle meurt, mais c'est rare. Et vous, hein? C'est quoi pour que ça devienne personnel? Ouais. C'est ça, souvent ça va bien. Les noms ne veulent rien dire. Vous êtes qui vous êtes et vous avez besoin d'aide. C'est quoi votre prénom? Les noms ne veulent rien dire. Ça veut rien vous dire. Êtes qui vous êtes et vous avez besoin d'aide. Je suis d'accord. J'irai là-bas et je démantèlerai le gang qui terrorise Chinatown. Je vais les trouver... Et je les aurai. Je débusquerai le serpent qui se love dans les rues. Je trouverai celui qui mène le bal. Et je l'exterminerai. Ça me paraît simple. C'est simple. Si vous avez l'art et la manière. Et voilà. Y a-t-il quelqu'un qui m'a mis un katana en background? Oui, oui, c'est qu'un petit peu comme dans les premières séquences au début, il arrive de l'action en parallèle pendant que J.D. McKay continue. En split screen c'est comme ou en narration? Non, en background. Ouais. Ben, en... Ça joue, puis c'est eux autres qui parlent par-dessus. Ouais, c'est de monde ça, qui se bat avec des katanas. Je sens que ça va être mélangeant, ce film-là. Ça passe tout le temps d'une scène à une autre. C'est pas très linéaire. Tu vas voir ça, va bien aller. Là, je m'en vais un petit peu plus loin parce qu'ils disent une phrase. On se rend compte que le boss des méchants, puis le boss des gentils, dans le fond, tu sais. Ils sont de mèche? Ben, ils se connaissent. Sonny, qui sont ces ninjas? Ils ne sont pas japonais ni coréens. Ils sont invisibles. Fait que là, c'est ça, c'est les méchants qui se rendent compte finalement qu'ils sont en proie de se faire brutaliser. On va un petit peu plus loin. C'est quoi? C'est à 48 minutes 40. J'écris tellement bien, je me suis planté. Là, vous allez voir, c'est que le méchant, Sonny, le boss des méchants, il va nous parler des vraies aventures. Ouais, c'est-tu là? Ça a l'air d'être plus à 49-40, pardon pour ça. Ouais, c'est ça. Là, vous allez voir, là, il y a une dose de flashback pour nous rappeler que les deux étaient des amis autrefois. Ah, comme Magneto puis Dr. Xavier. Pareil! Là. Ah. Mais là, il y a eu une espèce de friction autour d'on sait plus quoi. Non! Voilà. Vous avez été trompé. Il n'y a qu'un seul ninja. Il y a un petit enfant. Un très jeune enfant. C'est un modèle du genre. Il est seul. Deux ninjas. Il vous fait croire qu'il est partout en même temps. Trois hommes. Comme s'ils étaient ninja. Plusieurs. L'homme en noir doit être détruit. Vous m'avez compris? Ce ninja-là est bien réel. Tous contre un seul ninja. Et nous devons l'exterminer. Bonne chance. Mais qui sont ces-ils? Mais qui sont-ils? Il est dangereux, oui. Très dangereux. Mais nous sommes prêts à l'affronter. Bien sûr. Sonny, mon porte-monnaie. Nous le tenons. Ça brasse. Il y a du monde qui va mourir à 5-4 pour son porte-monnaie. Ben oui, c'est ça. C'est les vraies valeurs. Hey, moi, il me reste encore des séquences de ça. On a encore pas mal d'affaires, finalement. Fait que, bon, on va mettre une petite toune tranquille là, pour faire la transition rapide. Là. Ça va être le donjon de Nalbuck et puis à l'aventure. On vous revient après pour toi, Israël. Tu vas nous parler des vraies valeurs. Oui, oui. Promis. Bon, parfait. Je vous parle d'un style en particulier. Excellent. Bon, ben, ça y est. Dans mon village, réparer des chaises en bois. Mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. J'avais ouï d'une tour, siégeant un peu plus loin. J'ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Je suis arrivé au lieu dit, trempé par un orage. Ma monture s'est enfuie, mais j'ai gardé mon courage. Contournant l'édifice dont la porte était fermée, j'ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon où il est pourri. J'ai bouffé ma cape, mes sandwichs et mon boudin. J'ai dû abandonner mon sac et fuir comme un vilain. Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou. C'était l'entrée secrète qui passait par les égouts. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri. J'ai rampé dans la fange, les vermines et les sangsues. J'ai atterri dans un cachot, vivait trois bossus. Ils m'ont piqué ma veste, mes bottes et mon gourdin. Et ils m'ont balancé dehors à grands coups de pied dans le train. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon, il est pourri. J'ai traîné dans les corridors sans armes et déprimé. Égaré dans la tour, je suis revenu à l'entrée. Les orques m'ont vu passer, courant vers la sortie. Ils se demandent encore qui était cet abruti. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon, il est pourri. L'histoire était finie et j'ai voulu rentrer chez moi. En courant sous la pluie, boitant comme un vieux rat. Cherchant pour une auberge, une paillasse et un cruchon. Je me suis dit l'aventure, c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure, nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi, à faire des chaises en bois. Je l'ai gardé pour la rançon en cas de besoin. Je ne voulais pas que vous soyez tenté. Bien sûr. Qui mieux que le plus salaud des fils de putain peut savoir ce qui se passe dans la tête des fils de pute. Tu sais quoi, toi, un crust punk? Un crust punk? Ouais. C'est un punk avec de la croûte. Oui. Parce qu'il se lave pas. Ça, ces gens-là, on dirait qu'ils sont comme... Ils ont toutes l'espèce de même couleur, là. Genre linge délavé, vert, noir, là. C'est ça. Semi-armé, mettons, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est la couleur de la crasse. C'est la couleur du linge sale, en fait. Ouais, OK, OK. Parce que ça fait longtemps. Ça, les crust punk, il y en a plein à Montréal. Puis d'ailleurs, c'est les punks à chiens, là. Les punks, ouais, c'est ça, j'étais pour dire. C'est eux qui ont des chiens. C'est eux autres qui ont des chiens, c'est ça. Puis ils vivent dans la rue. Pis c'est très drôle parce que il y en a, il y a comme des crevettes. Ça c'est du monde de la rive sud qui par frustration viennent à Montréal quand ils ont 16 ans faire une fugue. Puis là, quand il y en a une qui arrive dans la gang de punk, ben les cross punk, les vrais, ils l'aiment pas parce que c'est un wannabe. C'est ça, c'est un wannabe, là. Fait... Elle veut faire semblant de souffrir, mais dans le fond, c'est juste par rébellion. Puis aussitôt qu'il va recommencer à faire fret, elle retourne chez ses parents. Fait que ces personnes-là sont très bizarres. Ils te quittent du change, mais ils te le quittent mal, genre. Ouais, ça t'arrive-tu, ça? Ouais, ouais, arrive, ouais. C'est de l'argent? Ben, non. Ah, OK, c'est ça. Ben, c'est ça, le plus. C'est, moi, je les aime pas. Je les trouve tout très désagréables. Mais une fois, je leur ai donné une pièce parce que t'as écrit « Kick a punk for a buck ». Ouais, c'est ça. C'est des punks à Mohawk. Là, c'est des cross-punks. Je n'ai vu plein hier. Fait que ça me tentait d'en jaser un peu. Yeah. Fait que même que vous les voyez dans la rue, vous allez pouvoir leur dire « Ah! Hey, »« t'es un cross-punk! » Ouais. Hey, c'est parfait, ça. Moi, j'ai écrit un petit texte tantôt quand je suis allé manger au restaurant. Puis là, ben, j'étais en avant de ma page. Puis là, j'ai écrit « Syndrome de la page blanche ». J'ai le syndrome de la page blanche et ça me donne l'impression d'être un stéréotype. C'est le genre d'étape, comme la puberté ou la maladie, que l'on estime être assez unique pour avoir le droit d'éviter. Je sais, c'est moche de présenter une chronique sur rien, mais à ce moment-ci, c'est tout ce que j'ai. J'aurais pu parler du Canadien qui va bien, de la télé que j'haïs en chien ou d'autres choses qui ne font rien. Mais bon, j'essaie et rien ne me vient. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu surdoser cette plainte de soupirs, de râles, d'ordures vocales. J'en connais maintes et maintes. Mais non, on va se rappeler le sage proverbe qui dit « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Toujours se sentir stéréotypé et continuer le show dans une joie pas du tout fakée. Yeah. Fait que là, on va aller écouter la séquence où finalement, on rencontre la tête du serpent du boss des méchants. Parce que c'était pas Sonny, c'est le père de Sonny. Fait que là, on va aller vivre des aventures fabuleuses. Là, c'est un petit 2 minutes. Personne ne sait comment me servir. Passionnément. Ce n'est pas donné à tout le monde. Excepté pour toi. Tu es à moi. Et c'est plus fort que l'amour, oui. Faut pas confondre, ma chatte. Chatte. Toute la famille est à mon service. Tous ceux qui m'entourent le sont. Les Chinois ont ça dans le sang. Vous l'avez tous. Le sens du devoir. La fille cadette pour le fils aîné. Lui pour sa mère. Et ainsi de suite. Très cool, la flûte de pan synthétisée. Père de famille. À l'empereur. Ça rajoute tellement de vintage asiatique. Peut être reste-tu des nouvelles? Ça crée toute l'ambiance. Dommage que Sony soit différent. Mais bientôt, tout ça n'aura plus d'importance. Le seigneur de la guerre est prêt. Qu'ils fassent comme bon leur semble aussi longtemps qu'ils le veulent. Je suis au-dessus de ça. Tu veux être avec moi? Zaz s'amuse avec sa momoute de micro tellement qu'il s'emmerde. Ah ouais, c'est super plate, c'est beau. Il manque de visuel, vous voyez pas le boss, là, c'est ça. Là. On va aller voir ça au Rocket juste après, parce que Bruno a tout réparé. Vous êtes toutes invitées. Toutes. Toutes. Là, il y a le boss des méchants. Toi, tu le vois, hein, JP? Hein, il est beau. Ah, il est en train de... Il est en train d'avoir de la romance, puis lui, il est comme de la misère. Toi, tu dois obéir. Tu n'es qu'un bâtard. Est-ce qu'il faut? Et tu es... Obéis-moi. Obéis-moi, bâtard. Je pense qu'on est supposé comprendre que oui, son rôle. Il est en train de viendre? Ben, c'est parce que c'est qu'il a, la fille est habillée, mais sinon, on est supposé comprendre ça, je pense. Il y a une sexualité dépravée. Les nouvelles maquées sont excellentes. Fait que tu vas me lire une nouvelle pendant que je prépare un des derniers extraits, en fait. D'accord. Alors, après des années de guerre civile, l'Angola est infestée de mines antipersonnelles. En 23 ans, dû à ces mines, 80 000 personnes ont été tuées ou ont perdu des membres. Afin d'amasser des fonds pour la cause, un artiste norvégien, M. Morten Travik, a lancé le concours de beauté Miss Landmine, dans lequel 10 concurrentes mutilées sont en compétition. Le premier prix sera une prothèse. Pour plus d'informations, visitez le miss-landmine.org. Ah, oh, ben, ouais, j'avoue ça. Quand j'étais à Clowns sans frontières, on en parlait souvent. En fait, eux autres, c'était Magiciens sans frontières qui s'en occupaient surtout. L'Angola, c'est le pays sur la planète qui a 2 mines par habitant. Ouais. Il n'y en a pas d'autres. C'est le pays où il y en a le plus. Aïe, aïe. Puis les mines, ce qui est bien, c'est que, tu sais, ils mettent ça en dehors des chemins. Puis c'est quand t'es jeune que tu sors des chemins battus, parce que sinon, tu vas voir ton ami, ou tu sais, quand t'es vieux, tu vas moins jouer dans le bois. Fait que c'est quand t'es jeune que tu piles sur une mine, puis que ta vie est gâchée. Pas mal, ce qui fait que c'est bien important de continuer à en faire. En fait, il y a 2 pays qui continuent à faire des mines antipersonnelles. C'est les États-Unis, puis je pense que c'était l'Irak, l'autre, là. En tout cas, une affaire vraiment, vraiment rapport, là. C'est ça fait plaisir de voir que la liberté, ça se vend en Afrique. En tout cas, vas-y, continue une autre. OK, alors, un jeune gamer hollandais a été appréhendé par la police après avoir volé des meubles virtuels sur le jeu Habbo Hotel. Dans ce jeu, les participants se choisissent une chambre dans l'hôtel et décorent cette dite chambre avec des meubles virtuels achetés avec des crédits Habbo. Les crédits sont quant à eux achetés avec de l'argent réel. L'homme a réussi à hacker les comptes d'autres utilisateurs et à amener leurs meubles dans sa chambre. Il a été accusé de piratage et de cambriolage. De cambriolage, ouais. Après avoir immigré en Nouvelle-Zélande pour un emploi, Richie Triesis voulait naturellement que sa femme vienne le rejoindre. Malheureusement, sa femme, possédant un poids plus élevé que la moyenne, s'est fait dire « Tu rentres pas la grosse » par le département d'immigration néo-zélandais. Ils ont peur qu'elle soit un poids de plus à porter pour leur système de santé. C'est charmant, ça. On va aller écouter ici la dernière séquence. Merci Bruno, c'est parfait comme nouvelle, ça. Dernière séquence pour la journée, vous allez voir, c'est, il est en train de mettre la table JD Maquet pour le combat final contre le méchant qui a une sexualité débridée. C'est à régler mon compte. C'est ce que c'est. C'est pas sûr. Mais il faut que ça s'arrête. C'est très clair. Je commence à comprendre. T'attends. Vous êtes différent. Ben, il est bon. Moi, j'ai rien compris. Je le suis. Et vous avez changé aussi. Après toute cette histoire, que je le veuille ou non, je ne vois plus les choses comme autrefois. Maintenant, les gens et ce qui m'entoure ont pris plus d'importance. C'est pas que c'est plate, c'est que c'est inintéressant. Ça goûte comme la sauce aux prunes dans ma bouche. Ouais. Moi, ça goûte le carton. C'est fade. Les deux regardent dans la même direction ou dans le vide. Là, c'est vers l'espoir. Ah, c'est tellement vrai. Alors, je serai prudent. Ben oui, fais ça, ma grande. Et voilà. Et on s'en va vers le combat final. Il y a vraiment des belles séquences là-dedans. Vous allez voir, il y a un homme déguisé en femme. Il y a le ninja caché en dehors du corps de la caméra. J'ai très hâte d'aller vous montrer ça. D'ailleurs, grâce à l'effort de Benoît et puis ben aux futurs efforts de Gaël et tout, on devrait avoir de moins en moins de problèmes techniques avec ça. On est déjà rendu à la fin de l'émission, hein, ça passe vite. Merci Tommy d'être là puis de supporter tous les poids du monde de pas bon sur tes épaules. Bon, en fait, on est pas mal à travailler là-dessus. Je pense que c'est mieux comme ça. D'ailleurs, il y a Samuel qui est au GP. JP Ménard qui est là en train de nous filmer. Sinon, j'ai écrit des trois petites phrases sur Tueur engagé. J'aimerais vous les lire pour réfléchir. Tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film est inclus dans Tueur engagé. Toutes les techniques à ne jamais utiliser y sont à un moment donné montrées. Bien que la forme soit un épisode classique des Feux de l'amour, le fond est dans les plus insultants jamais diffusés. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas loin du moins 8. Là. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Et puis, ça va faire les rimes en « et », on va finir l'émission en mettant ce petit bout-là. Ben, en fait, Bruno, 1 à 5, choisis. Ouais, je veux juste dire quelque chose avant qu'on s'en aille. Je voudrais juste annoncer à tout le monde qu'aujourd'hui, le 19 novembre, c'est la journée internationale de la toilette. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai célébré ça en n'ayant plus de papier de toilette. Puis, je vais continuer à célébrer ça ce soir en allant regarder du caca avec toi. Yeah! À la roquette! Vive la toilette! Ce soir. Fait que 1 à 5. 2. 2, ça marche. C'était parfait. Merci beaucoup. Merci, Israël. On de rien. On va remettre ça. À ce soir, on est rendu avec des belles cartes d'affaires en plus. En tout cas, c'était 70%. On va revenir la semaine prochaine. On devrait avoir Simon Chénier du Chénomatoscope qui va venir nous parler des vraies affaires. Aïe, aïe, c'est chaud. J'ai mal au cerveau. Aïe, aïe, j'ai mal à mon lobe frontal. Ça va aller mieux. Vois côté du doute. Je t'aime à la folie. T'as mon bout de bras. C'est vrai, je t'aime pour la vie. Oui, c'est comme ça. Je me suis penché pour l'accueillir. Je n'étais pas fou avant ça. Mais c'est se faire ouvrir. Non, les pétales ne mentent pas. Un peu à rien et un peu à tout ça. Car moi je t'aime à la folie. Oh oui, à la folie. Je t'aime pour les bras. C'est vrai, je t'aime pour la vie. Oui, c'est comme ça. We'll be right back.